Non, mais je l'ai dit, ça ne va pas fonctionner. Tu travailles avec un stylo à bille. Il n'y a que cet effet que tu vas obtenir au stylo à bille. Voilà. C'est bon ? Vous avez terminé ça ? Non, madame, ça va être magnifique. Allez, on stoppe. Maintenant, on va faire 5 motifs. Donc, vous allez inventer 5 motifs autres que ce qu'on connaît déjà. Par exemple, le motif du remplissage aux petits points ou les hachures, on évite. D'accord ? Donc là, je veux 5 motifs, chacun, de manière individuelle et différente. D'accord ? Donc, par exemple, le premier, ça pourrait être ça, tout simplement. Ok ? Allez, trouvez-moi-en 5, s'il vous plaît. Sans regarder sur le voisin, on essaye vraiment de laisser libre cours à son imagination. Voilà, alors les motifs vont servir à remplir l'espace de votre feuille après. D'accord ? Par exemple, ça, Noémie, qui regarde, c'est déjà un motif. D'accord ? Donc ça, ça peut fonctionner. Vous vous souvenez, on a montré le doodle art la semaine dernière, bah, inspirez-vous de ce qu'on a montré. Non, rien à voir. Non, on ne travaille pas du tout dégradé là. Des motifs de remplissage. Voilà, comme je l'ai dit, donc il y a le pointillisme, les hachures, ça on a déjà vu. Hop, pardon. Donc le pointillisme peut faire partie du motif. On peut hachurer. On peut faire des vols. Voilà. Tout ça, ça fait partie des motifs de remplissage. On peut les faire. Vous vous souvenez ? On l'a vu, d'accord ? Allez, est-ce que vous en avez trouvé 5 ? Oui. Non. Bon, évitez de tomber dans les formes géométriques. Hein. Mince. Bon, bah oui, ça fait un peu les triangles, le carré, bon, c'est déjà vu, non ? Ah oui, mais c'est un peu brouillon. Hein. C'est-à-dire que ça, par exemple, tu pourras l'utiliser, mais il faudra faire quelque chose de plus. Je sais pas, je trouve que c'est artistique. Bien. Allez, on a terminé. Est-ce que tout le monde a terminé cette phase ? Oui. C'est bon ? Parfait. Alors, il m'en reste une, mais que moi, je ne peux pas faire au tableau. Vous allez estomper. C'est quoi estomper ? Rappelez-moi. Oui. C'est quand on appuie sur le mot en bas pour que ça se dégrade. Ouais, alors on étale, d'accord ? Si on veut utiliser un verre, c'est étaler, d'accord ? Donc, une possibilité, vous noircissez un peu sur votre feuille, vous étalez avec votre pouce vers le bas, ou alors, vous mettez de l'encre sur votre doigt et vous étalez sur votre feuille. Allez-y. Comme ça ? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait rien. Des taches. Ouais, ça fait des taches. Des taches. Là, moi, ça fait du bruit. Ouais, bah c'est bien. Ouais, ça fait un Alors, il y a une autre technique que vous pouvez faire avec votre gomme, mais moi, je vous le déconseille. C'est mieux de le faire au doigt directement. Ouais, c'est très bien. Parfait. On dirait une espèce de comète qui passe sur ta feuille. Hein ? Ta feuille, elle s'est cassée ? T'es passé à travers. Moi aussi, madame, quand j'ai fait les... C'est pas grave, hein. On est dans une phase préparatoire. Bien. Alors, on stoppe tout. Voilà. Vous êtes prêts, c'est bon ? Allez, silence maintenant, je rappelle les consignes et puis vous allez pouvoir reprendre chacun votre sujet. Donc je rappelle, la phase numéro 2 pour tout le monde. D'accord ? C'est pour ça qu'on a fait une phase préparatoire aujourd'hui, parce que là, vous allez utiliser ces techniques dans le fond de votre feuille. Donc là, ce qui est impératif dans un premier temps, c'est de coller votre chimère. D'accord ? Une fois que la chimère, elle est collée, vous allez pouvoir commencer le fond. Autre technique, vous faites le fond sur votre feuille et après, vous collez votre chimère sur la dernière séance. Il reste 2 heures. D'accord ? Tu réaliseras juste avec un crayon noir de contourage ou un stylo à bille. Moi, je vous ai conseillé le stylo à bille sur ce sujet. l'univers de ta chimère inventée. Le fond peut être figuratif ou abstrait. Rappelez-moi, figuratif, abstrait, je l'ai dit déjà. Abstrait, c'est quand c'est du tout du n'importe quoi, mais ça fait bien. Ouais, alors c'est pas du n'importe quoi, ça veut dire que ça ne représente rien de spécial. D'accord ? Et le figuratif ? Ça représente quelque chose, d'accord ? Voilà. Un espace imaginaire à l'image de ta chimère. Tu utiliseras ton crayon comme étant plusieurs outils à la fois. Des traits fins, des traits épais, estompés, réaliser un dégradé, un nuancier, du pointillé, des rayures, des hachures, et des motifs. D'accord ? Voilà. Alors, on est parti. Vous pouvez sortir votre feuille, vos crayons. Vous mettez tout de l'art en, en fond. Vous m'aviez laissé vos feuilles ? Ah oui, ils sont là. Alors, Julia. Julia, c'est pas notre choix, hein ? Mais vous avez tout ? Ça, c'est les Mickey. Ah, bon, c'est bon, alors. Monsieur, fait. Allez, on sort sa chimère, ses ciseaux, sa colle. Et on fait coller. Attends, moi, faut que je perfectionne mon image. Il y en a qui se font remarquer, là, hein, par contre. Là, ça serait bien que ça soit collé sur le bord de sa tête, qui n'est pas au-dessus de sa tête. Parce que là, tu vois, tu gâches le regard de ta chimère. Allez, où ta chimère, alors, il faut une de feuille. C'est bon. Alors, maintenant, il faut recommencer le fond. Ok, hein. Dans l'eau. Bon, c'est une hybridation, donc toi tu peux tout imaginer. Dans l'eau, dans une grotte, où il y a plein de bananes du carton de joie.